chez Jean Dumas Ford de Dolbeau Mistassini. On vous offre le F-150 9 à 0% jusqu'à 72 mois sur les modèles sélectionnés. De plus, obtenez plus de 6 000 $ en valeur totale, incluant 3 350 $ en allocation et livraison. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau Mistassini. 418-276-1316. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford Dolbeau Mistassini vous invite à visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean-Dumas-Multiconcessionnaire. On parlait du multiconcessionnaire de Dolbeau Mistassini. La semaine passée, on a parlé avec des joueurs. Là, on va parler avec le président Dave Girard. Salut, Dave. Salut. Dave, effectivement, donc le multiconcessionnaire, c'est d'abord, es-tu content du début de saison de l'équipe? Oui, effectivement, ça va bien. On a quand même des nouveaux joueurs cette année. Okay. Avec la fiche qu'on a, je pense qu'on est bien content. Tout va bien. Ça va mieux de mieux en mieux aller. Effectivement, avec les pratiques qu'on va faire, les ajustements, le système de jeu, je pense qu'on devrait être meilleur que l'an passé. Il y a eu des grosses acquisitions. Hein. Je pense entre autres à Simon Tremblay, deuxième meilleur marqueur. Nipoche, le défenseur que vous êtes allé chercher également, qui fait du bon travail, aussi, qui va être une pièce maîtresse à l'attaque aussi. C'est intéressant, ça aussi. Là. Ben oui, effectivement. C'est deux joueurs d'impact qu'on a cherchés, dont Simon, qui a joué 4 ans dans la junior majeure, qui a joué dans la ligue nord-américaine. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est un gars de premier trio, c'est un gars qui a un bon bagage de hockey, qui nous amène niveau offensif, qui est très positif. Et Silas Nipoche, qu'on est allé chercher aussi, qui a joué aussi également dans junior majeur 2 ans, qui a joué avec Simon Tremblay, je crois bien, pour les SAG dans les premières années. Fait que c'est sûr que c'est deux joueurs d'impact majeur, que ce soit offensif, défensif, ça va nous aider. OK. Si on parlait maintenant un petit peu des foules, es-tu content des foules? Oui. Oui, je suis très content. Écoutez, l'année passée, quand on a commencé, on avait à peu près une foule. Ça a averagé à peu près 350-400 dans le début, mais écoutez, le dernier match, je pense que tu étais là. Ouais. On avait une foule de 650 et plus. Ça, c'est 650 payants? Il y a du monde un peu. Tu as donné des billets à travers. 650 payants. OK, donc il n'y a pas de billets donnés. Tu comptes pas? Il y a les billets des commanditaires qui sont là-dedans, mais c'est d'une partie où ils l'ont quasiment payé. Ouais. Puis on compte pas les joueurs, on compte pas le staff, on compte pas le CA. Fait que c'est bon. C'est on très peut quasiment compter 50 personnes de plus. Là. C'est très, très bon. Mais une critique qui est constructive, puis c'est envers la Ligue aussi. Puis j'en ai parlé avec Mathieu, puis Mathieu a pas de l'air, ça n'a pas de l'air chaud à l'idée. Ça va prendre une expansion à court ou moyen terme là, pour avoir au moins une autre équipe. Pour avoir un peu de fun. Ben, c'est sûr que je ne cacherais pas qu'on aimerait tout ça. Ouais. Sauf que je pense que ce que Mathieu veut faire aussi, c'est stabiliser 4 équipes. Parce qu'oublie pas que dans le senior, les listes de joueurs, c'est une liste de 50 joueurs par équipe. Puis écoute, à tous les fins de semaine, on se bat. Pour avoir quasiment un club qui a de l'allure. Tout le monde a des obligations, travail, enfin. Fait que c'est pas comme dans le junior, quelqu'un qui avait eux à s'occuper tout simplement. Fait que c'est ça qui est plus dur un petit peu, gars. On va sur la route en fin de semaine, je vais vous dire. On essaie d'avoir quand même un club potable, puis gars, il en manque encore. Là, c'est bien important. Quand on va à l'extérieur, on aime bien avoir un bon club, parce que quand les gens viennent ici, ben on veut qu'ils voient un bon club vice versa. Ben oui, c'est sûr. Mais est-ce que ça, c'est-tu... Dans les autres ligues, c'est, de ce que tu sais, c'est-tu pas mal pareil? Ça se ressemble-tu pas mal? Ben, je peux pas... les autres ligues, c'est parce que je peux pas trop comparer, parce que notre ligue, comme tu sais, aucun joueur qui est payé là-dedans. Ouais, OK. C'est sûr que, demain matin, on ouvre les valves et on paye tout le monde, ce qui est impossible de un, parce qu'on ne serait jamais capable de faire nos frais. C'est sûr qu'il y en a que pour de l'argent, c'est sûr qu'ils viendraient. Là, de m'amener, ah oui, c'est sûr. Pour du travail, il faut que ce soit compensé aussi, mais c'est sûr que nous, on n'est pas capable de faire ça. Fait que c'est sûr qu'on ne pourra jamais comparer. Oui, effectivement. Mais tu es allé chercher quand même deux gars de l'extérieur qui sont natifs de Dolbeau. J'ai fait des entrevues avec eux autres, Simon Landreville et François Bouliane. C'est quand même le fun de voir ça, ça prouve à quelque part leur attachement. Hein? Oui. On était bien contents d'avoir ces gars-là. Écoute, c'est deux gardiens quand même qui ont fait du haut niveau pareil. C'est des gars du coin. Ils aiment ça. Puis ce que les gars aiment de plus en plus, que je parle aux gars, c'est que quand tu joues contre des foules de 650 personnes, la barnouche, ils trouvent ça spécial. Ils aiment beaucoup l'ambiance. C'est un petit peu ça qu'ils vont chercher. Oui, ils sont pas payés. Ils sont super bien traités, mais c'est un petit peu... C'est ça un petit peu qui les éveille un peu. Ben, c'est sûr. Écoute, c'est le fun aussi, 600 personnes. Moi, honnêtement, ça faisait longtemps que je n'ai pas vu l'aréna pleine demain. Au trois quarts plein, quasiment, pas loin? Ouais, ben, à peu près, d'après moi, il rentre 1100, 1200 ouais. Delbault. C'était les Saguenay, la dernière fois que j'ai vu. Quand les Saguenay. Ouais, c'est ça. Puis je te cacherai pas, de plus en plus que la saison va avancer, ça va être de plus. Les équipes, même nous, on va être en shape un peu plus qu'en début de saison. Fait que le hockey va être de plus en plus meilleur. Et puis, les séries vont arriver. Fait que je te mentirais pas que dans les séries, d'après moi, on va pogner le mille assez facilement. Ben, l'année passée, vous l'aviez fait. Oui, alors, je pense que si on l'a dans la dernière partie, je peux pas te dire laquelle, mais on l'a atteint. OK.